L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut ? Par Eric Simon. Un mois d'août, le nez en l'air, à regarder le ciel. C'est peut-être ce qui vous attend, comme tous les ans. Au programme de ce mois d'août, trois événements s'enchaînent, en se chevauchant très légèrement les uns les autres. Et oui, du 5 au 7 août, nous aurons les Nuits des Étoiles. De multiples manifestations partout en France, organisées par l'Association française d'astronomie et les milliers d'astronomes amateurs bénévoles des clubs d'astronomie les plus près de chez vous, pour découvrir l'astronomie en toute simplicité. Du 6 au 12 août, c'est le 26e Festival d'astronomie de Fleurance, dans le Gers. Une semaine de conférences, de cours, d'échanges ouverts à tous avec des intervenants de très grande qualité pour un partage convivial des idées et des connaissances. Et enfin, du 11 au 13 août, observez les étoiles filantes des Perséides avec vos yeux pour seuls instruments et où que vous soyez, mais loin des lumières. Alors revenons un petit peu en détail. La nuit des étoiles. Cette année, les Nuits des Étoiles auront lieu les 5, 6 et 7 août, et ce sera sur le thème « Au fil de l'eau, la recherche de la vie ». Un vaste sujet. Partout en France et dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, des centaines de sites vous accueilleront pour contempler la voûte céleste. Les organisateurs des clubs et associations locales d'astronomie amateurs s'attache à renouveler chaque année cette manifestation qui est gratuite, ouverte à tous, et toujours dans un esprit de partage des connaissances et de découvertes. Cette 26e édition sera dédiée à André Braic, le grand astrophysicien français qui est disparu le 15 mai 2016. Vous pouvez suivre l'actualité des Nuits des Étoiles sur Twitter avec le compte Nuits des Étoiles. Alors, il y a déjà plus de 300 manifestations qui sont recensées, hein, c'est 5, 6 et 7 août. Et ce sera l'occasion pour vous tous de pouvoir découvrir Jupiter, Mars, Saturne, les constellations estivales et peut-être bien d'autres objets du ciel profond. Pour retrouver tous les sites d'observation, et notamment celui le plus près de chez vous, je vous invite à regarder la carte qui est en lien sur le blog. Vous cliquez sur cette carte et ensuite vous pouvez choisir votre localité, votre département, et vous verrez s'afficher tous les endroits où vous pouvez vous rendre. N'hésitez pas à faire cette découverte. Le Festival d'astronomie de Fleurance, eh oui, il existe depuis un gros quart de siècle, hein, c'est le 26e également, le 26e numéro cette année, et il a lieu, comme toujours, à la Ferme des Étoiles, à Fleurance, dans le Gers. C'est un festival qui est entièrement dédié à l'astronomie durant 6 jours. Alors se succèdent des conférences, des ateliers, des animations et des expositions, ainsi que des formations et bien sûr des soirées d'observation. À noter une chose importante, une partie qui est entièrement dédiée aux enfants, aux jeunes de 4 à 17 ans, et qui est appelée le Festival Astrojeune, et qui permet une découverte du ciel, des étoiles, de l'astronautique, le tout en s'amusant. Cette manifestation est unique en son genre et elle est préparée et animée par des jeunes chercheurs issus de laboratoires de recherche nationaux et internationaux. À ne pas manquer, surtout si vous n'êtes pas très loin de cette zone géographique durant vos vacances. Alors, oui, du 11 au 13 août, n'oubliez pas que c'est à cette époque-là, ce moment-là, que se trouve le maximum de l'essaim des Perséides, comme tous les ans, que nous aimons observer à l'œil nu. Et comme je le dis, quoi de mieux qu'une belle nuit d'été pour contempler le ciel? Et oui, cette année, donc, ce sera un petit peu moins favorable que l'année dernière, puisque l'année dernière, vous rappelez que nous avions une nouvelle lune, donc pas de lune du tout de toute la nuit. Mais cette année, la lune se couchera aux alentours de 1h du matin. Et donc, les étoiles filantes seront notamment le mieux visibles dans la seconde partie de nuit, même si, en regardant l'opposé de la Lune, on peut très bien en voir dans la première partie de la nuit, où aura lieu d'ailleurs ce maximum d'activité des Perséides, puisque le maximum théorique est entre 8h et 20h temps universel, c'est-à-dire entre 10h du matin et 24h. Et avant et après ce pic principal d'activité, des pics secondaires pourraient être observés, et ce qui pourrait augmenter le nombre de météores visibles par heure, et quand même, peut-être une étoile filante par minute, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Rappelons que la pluie d'étoiles filantes des Perséides n'est pas la plus intense de l'année, mais c'est celle où il fait le meilleur en termes de météo, puisque l'autre se déroule en plein hiver, et c'est un petit peu plus délicat en termes de température. Alors, pour tout savoir sur cette pluie d'étoiles filantes des Perséides 2016, je vous renvoie vers le billet que j'ai écrit spécialement pour cette année, et vous trouvez le lien en une du blog. Voilà, ça se passe là-haut, on va faire un petit break durant les 3 prochaines semaines, et nous serons de retour le 22 août. En attendant, vous aurez la chance de pouvoir retrouver durant 3 semaines, en mode un peu pilote automatique, hein, n'est-ce pas, les 10 épisodes du film le plus envoûtant sur l'astronomie jamais produit en langue française. Tour du monde, tour du ciel, de Robert Pensart-Besson. Et oui, ce magnifique documentaire sera donc diffusé tous les 2 jours durant 20 jours, donc 10 épisodes de 52 minutes, à découvrir ou redécouvrir tous les 2 jours sur Ça se passe là-haut à partir du 1er août. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois d'août sous le ciel, les yeux vers le ciel, et à très bientôt donc... fidèle au poste dès la rentrée. Salut !